was brother man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Qui était le choix d'Axel Red lorsqu'elle avait été notre invitée dans les musiques de sa vie. C'était un best-of que l'on vous proposait. On va prendre la direction de Bastogne. Il se trouve place McAuliffe, Anthony oui. McAuliffe de son prénom, c'est le bon Léon. Oui. Léon qui nous a demandé, qui vous a demandé, pour tenter de remporter le cadeau caché dans la valise, de venir avec un... Vélo. Mais oui, et c'est morne pleine pour le vélo. Enfin, je peux comprendre. En même temps, ça, il y a des grimpettes hein, ici, donc c'est pas facile. Mais dites-vous que si vous entendez le message, venez vite me retrouver ici devant la maison du tourisme, parce que ben, vous aurez toutes les chances d'être tiré au sort. Parce que moins on est nombreux, plus les chances d'être tiré au sort sont nombreuses. Petite anecdote. Dites-moi. Je vois un ado qui arrive sur un magnifique vélo de course, magnifique maillot à pois. J'ai vu d'ailleurs qu'il a fait. Je pense qu'il a fait le ventoux. Inscrit derrière. Je dis, enfin un candidat. Il est passé devant moi sur la place. Mais c'est ce que j'allais vous dire, Léon. Pour bien connaître quand même la région, les Bastognards et aux environs se déplacent rarement à vélo parce que les distances parfois sont quand même longues entre certains villages. Et donc, ce sont beaucoup les enfants et les ados qui sont à vélo. Oui. Donc, ce que je pourrais proposer, si on a par exemple un vélo miniature, un vélo de Playmobil, un vélo de Barbie, un vélo sur son t-shirt, un vélo tatoué, une casquette du Tour de France, on peut venir. Vous me sauvez la mise. Ah. Vous me sauvez, Sandrine. Excellente idée. On fait ça, hein. Mais un vélo, oui, quel qu'il soit. Une représentation, un jouet, une... Voilà. Ces petits vélos voulez. Avec lesquels on jouait à la plage. Vous savez, en plomb, à l'époque, on faisait des courses cyclistes. Ah, j'adorais. Ouais, hein. J'adorais. Alors on j'adorais. Fait ça. Va pour le et petit si vélo. Et si le jeune qui a le maillot à pois et qui est passé devant moi à 64 km à l'heure m'entend, il peut revenir. Vous croyez qu'il va faire demi-tour, mais vous rêvez ou pas? Non, je pense pas. Il est parti comme une balle, le garçon. Bon, il y a un très beau cadeau à remporter. Ce sera peut-être pour vous. Toujours. Retrouver Léon, qui est un... Il n'a pas de maillot à pois, mais il est un pois à lui tout seul. Oui, oui, il est oui. donc place McAuliffe à Bastogne. Merci Léon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Sandrine. On est là tout l'été. Passe, passe, passe, passe, passe, passe les jours. Et rien, non rien, rien ne change sur le parcours. Ce sont les mêmes pages qui défilent, les mêmes vers qu'on récite, le même vieux film que depuis 100 fois on rembobine. Et on s'accroche, et on s'acharne, et on s'abîme, et on se gâche. On s'épuise et on s'entame, on s'enlise et on s'éloigne. Et on s'accroche et on s'acharne, on se brise et on s'attarde. Le soir et on passe con, puisqu'on se fout de nous. Puisqu'on se fout de tout de nous, puisqu'on n'a plus rien à se dire à part bonjour, bonsoir chérie. Puisqu'on se fout de nous, puisqu'on se fout de tout de nous. Qu'on s'est fait la cour, on ne s'épuise même plus à chercher les réponses. On ne sait même plus quelle est la question. Faudrait fouiller dans les décombres. Et on s'accroche et on s'acharne, et on s'abîme et on se gâche. On s'épuise et on s'entame, on s'enlise et on s'éloigne. Et on s'accroche et on s'acharne, on se brise et on s'attarde. Le soir, et on passe con, puisqu'on se fout de nous. De suite Escape. Les Summer Deals, c'est maintenant. Jusqu'à moins 60% chez Pluma. Bien dormir est tout un art. On va bien sûr vous informer à midi. Enfin, quand je dis on, c'est Florent Tourneur. Bonjour Florent. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Les syndicats s'en doutaient, c'est à présent officiel. La direction de Deleuze a dévoilé ce matin la liste des 15 premiers magasins qui vont être franchisés, c'est-à-dire gérés par des indépendants. De quels magasins s'agit-il, Florent Vandenberg ? Eh bien, trois magasins sont concernés. En Wallonie, à Recogne, dans la province de Luxembourg, Bouffioux, dans l'Hainaut, et puis à Nivelles, dans le Brabant wallon. En région bruxelloise, quatre magasins vont être franchisés, Flaget, Boundal, Ancar et Mutsar. Les neuf derniers se situent au nord du pays. La chaîne explique avoir sélectionné minutieusement ses repreneurs pour, je cite, garantir un avenir durable. Le nombre d'emplois, les salaires et les conditions de travail ne seront pas impactés, explique l'enseigne. Les travailleurs recevront une lettre signée avec ces engagements. Ici, rappelons-le, il s'agit d'une première liste puisqu'au total, 128 magasins passeront en gestion propre pour les autres supermarchés. Des repreneurs seront trouvés dans les prochains mois. En attendant, Deleuze le promet, aucun magasin intégré ne sera fermé jusqu'à la fin de l'année 2028. Et les syndicats, de leur côté, nous ont expliqué ce matin qu'ils ne comptent pas se laisser faire. Des actions pourraient être organisées dans les prochains jours. Les précisions de Florent Vandenberg, actu à suivre en direct. Et on continue avec les détails sur RT, l'info, le site et l'application. Soyez prévenus si vous comptez prendre l'autoroute de la mer cette nuit. La E40 sera fermée dans le sens Gand-Bruxelles, tout comme la nuit suivante. Fermeture entre Grand-Bigard et Affligem en cause des travaux pour installer une nouvelle signalisation. Le plus grand rassemblement de scouts de l'année, perturbé par l'arrivée d'un typhon en Corée du Sud, 43 000 personnes sur place, parmi elles 1250 scouts et guides belges. Ils seront évacués dès demain du site par mesure de sécurité. Le typhon devrait lui atteindre jeudi le pays. Et ce typhon, il est baptisé Kanoun, il perturbe en ce moment les commémorations du bombardement atomique de Nagasaki au Japon. La cérémonie se fait pour la première fois en 60 ans à l'intérieur. Une collision entre deux hélicoptères dans le sud de la Californie. Il y a trois morts. Les pompiers étaient en train de lutter contre un feu de forêt. Le premier hélicoptère s'est posé tout près de l'incendie en toute sécurité. Mais le deuxième hélicoptère s'est écrasé sur le premier. RTL Sport en tennis, David Goffin reprend quelques petites places au classement ATP. Il est à présent 97e, classement toujours dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz. Et puis en football, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions doit en théorie débuter en ce moment. L'Antwerp saura donc qui sera son adversaire. Dans une heure, ça sera le tirage au sort des barrages de l'Europa League et puis à 14h, celui de la Conference League. Et là, d'autres clubs belges sont concernés, Genk et l'Union Saint-Gilles pour l'Europa League, le club de Bruges et la Gantoise pour la Conference League. Il est midi, passé de 3 minutes et elle est concernée aussi jusqu'à 13h. Sandrine Danse est avec vous. On est là tout l'été, bien entendu. La Crobranche, ça vous branche ou pas? Oh, écoutez, oui, pourquoi pas, une petite descente en tyrolienne. Sinon, je vois Superfly, je vois du bowling, je vois location de kayak. Tout ça, c'est parce qu'on offre aujourd'hui et toute cette semaine 4 entrées pour aller à Adventure Valley. Mais c'est pas mal, ça. C'est sympa, hein. Il faut envoyer le mot été par SMS au 66 septembre. Vous revenez quand? À 13h, si ça vous déjà convient. Mais oui. Comme ça passe, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On est là tout l'été, Sandrine Danse. So slowly, time goes by, so slowly. Bon, alors, si tout va bien, elle devrait être en concert, vous le savez, au Sport Palace à Anvers. La Madonna que l'on écoutait à l'instant. On va retrouver Léon. Lui, il est, je vais pas dire en concert chaque jour, mais presque. Il nous fait son petit spectacle. Il se balade un peu partout en Wallonie. Léon, qui est du côté de Bastogne et qu'on va retrouver dans un petit instant. On lui laisse le temps d'accueillir encore quelques personnes. Si vous êtes dans le coin et que vous avez un vélo, petit, grand, moyen, une maquette, un dessin, un t-shirt, bref. Allez, vous savez quoi? Une chambre à air ou une pompe à vélo. C'est bon, vous allez retrouver Léon. Vous tenterez votre chance pour emporter un très beau cadeau. Caché dans la valise, il est place Macolive. À tout de suite. Envie de tout savoir sur les clubs de foot de votre région? Ne manquez pas notre guide spécial foot provincial ce mercredi 9 août dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Calendrier, composition, noyau et ambition. Tout ce que vous voulez savoir sur vos clubs préférés, c'est ce mercredi 9 août dans vos journaux. Sudinfo, à chaque instant, au premier rang. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit? Eh bien maintenant, chez Aldi, 1 kg de moules de Zélande fraîche jumbo au prix spécial dit de 4,50€. Prête à la cuisson? Savourez-les avec un petit vin de saison. Aldi, le choix malin. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Un jour comme un autre dans une agence bancaire Fintro. Bonjour Madame Lefebvre. Bonjour. Entrez, n'hésitez pas. Oh, merci de me recevoir si vite. Avec plaisir. Je vous préviens, j'ai beaucoup de questions pour vous. Pas de souci, j'ai prévu beaucoup de temps pour vous. Ah, je pourrais même sortir le cœur léger alors. Oui. Oh, c'est formidable. C'est ça, une banque proche. Fintro, proche et pro. Vos vacances en Belgique avec Bel RTL. Il est 8h du soir et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y'a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. À 12h12, on écoutait Louane sur Bel RTL avec Pardonne-moi. On va faire un petit point sur ce que Léon a appris une fois de plus de Bastogne aujourd'hui, sachant que vous étiez au muséum à Bastogne, ça c'était jeudi, mais vous avez découvert d'autres choses aujourd'hui, Léon. Ah ben évidemment, et ce qui a retenu particulièrement mon attention sont deux choses. C'est ce parc dans lequel j'ai été qui se trouve à 150 mètres, le parc Elisabeth, 150 mètres de la place Macauliffe. Place Macauliffe, on est en ville, le parking est bien rempli, les touristes sont là, vous faites mais véritablement 150 mètres, vous arrivez dans ce magnifique parc et là, vous êtes dans la nature, plus de bruit de voiture, c'est paisible, les gens se promènent plus doucement, on est là pour se ressourcer, magnifique roseraie, magnifique jardin, plan d'eau, bref, il y en a pour tout le monde. Et puis, cette foudre rando, vraiment, c'est une excellente idée, la balade en vélo, vous pouvez découvrir la région, autrement, avec évidemment ces bons produits du terroir. Et Dieu sait si dans la région il y a de bons produits du terroir. Et heureusement qu'elle est là. Aline est à mes côtés pour me dire c'est pas en vélo la balade. Mais non, c'est à pied. La foudre rando, c'est à pied. Oui, je me disais bien. C'est à pied. On reçoit son sac à dos. Vous n'avez rien écouté tout à l'heure. Non, j'enlève un point. Aline était attentive. Je voulais voir si Aline était attentive et elle l'est. Le faux derge ici qui remet la faute à l'autre. C'est de ma faute. Mais en tout cas, j'ai adoré ça. Et puis, il y a évidemment plein de choses d'ici à la fin des vacances et même au-delà. Donc, ne vous en privez pas. Allez sur leur site internet www.paysdebastogne.be. Quant au vélo, eh bien écoutez, ça marche. J'ai du vrai vélo, j'ai du faux vélo, j'ai du vélo imprimé, j'ai du vélo fait au Burkina Faso. Vous savez, ces modèles réduits qui fabriquent avec quelques boîtes de conserve absolument magnifiques. J'ai fait une photo. Donc, continuez. On a encore 20 minutes, 25 minutes pour venir s'inscrire et tenter d'ouvrir la valise Bel RTL. Ça, ce sera grâce au tirage au sort. Je vous attends place Macauliffe. Ça marche. À tout à l'heure, Léon. À tout à l'heure, Sandrine. Merci. Yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. Sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister. Told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kind of lonely. Louis offered me. Don't Cry for Louis, c'était Vaya Con Dios. Danny Klein qui était venu également aussi dans les musiques de ma vie, présenter un tout nouvel album, un album piano-voix où elle reprend justement certains de ses plus grands titres. C'est à découvrir si vous aimez la voix de Danny et si vous voulez retrouver toute l'ambiance de Vaya Con Dios que l'on écoutait ce matin sur Belle RTL. Belle RTL. On est là tout l'été. Des larmes descendent le long de longs sanglots. Le vacarme soudain dans la chambre du haut. Mes quatre murs bleus, je les quittais peu. Mais voyez mes yeux au son de mes dieux. Tant donné, c'est dans c'est le temps. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote parce qu'on écoutait David Hallyday là, avec Tu ne m'as pas laissé le temps, qui était aussi venu dans l'émission Les musiques de ma vie il y a à peu près 2 ans maintenant. Et vous devez savoir qu'il a quand même, alors moi je ne suis pas du style à être groupie, mais ce monsieur a quand même énormément de charme. Il a quand même pris le meilleur de ses parents. Et donc il arrive en studio, je suis un peu, un petit peu sous le charme. Et donc il s'installe au micro, je lui propose à boire, je voulais boire quelque chose. Il me dit non merci, j'ai pas mangé, je vais prendre mon thé. Et donc je prends ma tasse, je mets un sachet de thé dedans, mais je ne mets pas d'eau. Et on commence l'émission, à un moment il s'arrête, il me regarde entre deux prises, il me dit « Dites, ça va pas être un peu sec quand même comme thé ça ?» C'est pour vous dire à quel point j'étais complètement à côté de la plaque et un peu perdue. Je referme la parenthèse liée à David Hallyday qui est absolument adorable et charmant. Pour vous dire que vous allez passer un adorable et charmant moment aussi si vous remportez vos 4 entrées, 4 places pour aller en famille, entre amis, vous choisissez. À Durbuy, l'Adventure Valley qui vous ouvre les portes avec son challenge parcours. Alors vous pouvez faire du VTT, il y a la Kid Zone, il y a un laser game, ça c'est si la météo est moins top, hein, il y a du bowling, il y a du kayak, il y a forcément le Superfly et la Croque Blanche, il y a aussi un espèce de toboggan sur tapis, le Tubing Slide qui a l'air d'être très sympa. Bref, il y a plein d'activités. 4 entrées pour vous. Si vous répondez tout à l'heure en direct à la question que je vais vous poser, il faudra simplement me dire plus ou moins. Je vous pose une question, je fais une affirmation de réponse chiffrée qui forcément n'est pas correcte et donc vous devrez me dire si c'est plus ou si c'est moins la bonne réponse. Et puis à la clé aussi, que vous répondiez correctement ou pas, votre sélection pour peut-être à la fin de l'été repartir avec un magnifique voyage direction l'île Maurice pour 4 personnes puisque vous êtes automatiquement sélectionné. Est-ce que tout est clair? Je rappelle, été pour vous inscrire au 66 70 par SMS, 1 euro par message envoyé ou reçu. Bonne chance et peut-être à tout à l'heure. On est là tout l'été. je pense à vous. Souvent, je continue quand même d'aimer mes pas. Tout blanc que le désir entraîne, je manque de vous. Souvent, mais je m'en vais quand même. La peine, cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. C'est depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais mes excuses, je rêve à vous. Souvent, je me souviens de tout. Je me réveille à temps, mais je vous vois partout. Je vous attends. Souvent, j'invente un rendez-vous. Vous n'avez plus le temps. We'll be right back. Ça fait du bien de rêver un peu Dreamer avec Supertramp sur Bel RTL. Le jeu de l'été sur Bel RTL. Alors ça y est, nous avons sélectionné notre candidate du jour pour tenter sa chance au jeu de l'été. Bonjour Ute. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Je suis en train de faire mes courses là. Ah, d'accord. Vous, c'est quoi? C'est pour manger ce midi? C'est pour la semaine? Oui, pour manger pour ce midi. Voilà, parce qu'on a nos petites filles à la maison, donc voilà, on fait les courses pour voilà. Bon, elles ont demandé quoi comme repas ce midi? À midi, c'est souvent des pâtes, mais on verra encore. On ne sait pas encore à quelle sauce. Donc on a réfléchi. Bien, écoutez, ça c'est dingue, et je vous assure que c'est pas fait exprès. Mais vous savez, Hut, que je vais vous poser une question qui a déjà été tapée, rédigée depuis avant l'été. Cette farde à questions est scellée. Je l'ai découverte il y a quelques minutes et j'ai même un témoin, à savoir Jérôme, que vous avez eu au bout du fil il y a un instant et qui réalise l'émission. Oui. Il est témoin. La question va porter justement sur les pâtes. Et ce n'était pas fait exprès du tout. Alors, tendez bien l'oreille. Je vais vous poser une question. Oui. La réponse est chiffrée. Oui. Vous allez devoir me dire plus ou moins, puisque forcément, cette réponse chiffrée n'est pas correcte. Oui. Et à la clé, vos passes peut-être pour Aventure Valley. Écoutez bien, Hut. Dans le pesto genovese, qui est d'ailleurs extraordinaire justement sur les pâtes, ce pesto, il vient tout droit de l'Antiquité romaine. Une préparation faite à base d'huile, d'ail, de vinaigre, d'herbes et de fromage frais. Mais sa formule officielle, elle a été fixée, donc sa recette officielle a été fixée en 1965, plus ou moins à votre avis? Je dirais plus. Ah non ! Autant on veut plus de pâtes, autant c'était moins. C'était un siècle avant, en 1865. C'est fou, hein ? Ouais. Enfin, cela dit, tout n'est pas perdu, Hut, puisque bon, vous n'avez pas votre entrée pour l'Adventure Valley, mais votre nom est sélectionné. On va prendre vos coordonnées hors d'antenne. Tout va être glissé dans la frigo-box qui est devant moi ici. Et à la fin de l'été, vous le savez, un grand tirage au sort et un voyage pour 4 personnes à l'île Maurice. Vous serez peut-être la chanceuse. Voilà. Déjà pas mal. Hein. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Je ne vous ai pas demandé, vous étiez dans quelle région, dites-moi. Nivelles. Ok, parfait. Mais écoutez, belle journée à vous et on vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Votre vol pour l'île Maurice et l'Afrique du Sud sur airbelgium.com. Air Belgium. Fly Belgian Class. L'Emprise avec Mylène Farmer sur Bel Airtel. Vous ne bougez pas, dans un instant on retrouve Léon sur place à Bastogne qui va donc ouvrir la valise et on découvrira non seulement le cadeau mais le ou la gagnante du jour. On est là. On est là pour vous rassembler. Profitez du plaisir aquatique illimité cet été à Plopsaqua à Nulanden. Ou faites un plongeon à Plopsaqua de Panne. Vivez l'expérience à l'intérieur dans Plopsa Station Antwerp. Ou partez à l'aventure à Plopsa Indora Celt. Billets via plopsa.be. Bel RTL présent, à deux pas du Mardasson, le Bastogne War Museum vous plonge dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale et la bataille des Ardennes. Découvrez Génération 45, la nouvelle expérience immersive qui vous emmène dans la période d'après-guerre à travers le destin croisé de deux soldats. The Bastogne War Museum, living memory of the Ardennes. Avec le soutien de 7 dimanches et Interreg. Bel RTL. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je travaille au Colroy de Herf. On se trouve dans le rayon congélateur. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, on travaille avec des coffres fermés. Grâce à ça, on fait un gain d'énergie. Et forcément, ça coûte moins d'argent à Colruyt. Et le client le retrouve sur son ticket de caisse. Nos coûts les plus bas, vos meilleurs prix. Colruyt, meilleur prix. Installez-vous dans le hamac. C'est l'été sur Bel RTL. Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. connais par cœur, hein, cette chanson. Tellement on l'a entendue, quel tube et quel plaisir de la réentendre à chaque fois. J'en rêve encore, Gérald de Palmas. La valise Bel RTL. Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Il est presque 12h50, c'est le moment de découvrir le cadeau qui se cache dans cette valise, celle que transporte Léon, qui était à Bastogne aujourd'hui et qu'on va retrouver place Macolif. Il fallait donc venir avec un vélo, un vrai, un faux, un petit, un grand, un dessin, peu importe. Oui. Il fallait qu'on y retrouve un vélo. C'est vrai ? Ah, chouette. Ah ben oui, on a eu du monde du coup. Et voilà, ils sont encore là et ça nous fait plaisir. On a Laurent qui est passé du fin fumé, le restaurant ici un peu plus loin, qui nous a amené du saumon qui fume lui-même. Tiens, de la balle. Mais j'ai surtout Alicia. Alicia qui était tirée au sort. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors, on vient de quelle région ? Bertogne. Oh, magnifique. C'est pas très loin, non ? Ouais. Les balades, le bon air. Ouais, il y a une très belle pêcherie aussi à Bertogne, pour ceux qui aiment faire de la pêche. Oui, tout à fait. Ben voilà, je vois que vous connaissez. Oui. On va taquiner le goujon. Voilà. Non, moi non. Bon, Alicia, je vous sens impatiente d'ouvrir cette valise Bel RTL. Que contient-elle ? Car c'est vous qui allez remporter, ma chère Alicia. Bel RTL vous offre un superbe lisseur sans fil 9000 de la marque Babyliss. Bravo ! Merci. Alors, s'il y avait un cadeau que je rêvais de gagner, c'était celui-là. Et moi aussi, figurez-vous, avec mes cheveux, tout comme vous. Moi aussi, ça va me servir. Ouais. Ah non, mais... Et vous permet de lisser vos cheveux, où que vous soyez, même quand le temps vous manque. De plus, grâce à son étui de protection thermorésistant, vous pouvez le ranger, le transporter dès que vous avez fini de l'utiliser en toute sécurité. Ah, c'est je chouette. Vous félicite, Alicia. Super, merci. Vous êtes contente ? Oui, j'en utilise un tous les jours, donc... Merci. Allez, faites du bruit, Bastogne ! Vous avez dû manger beaucoup de saumon parce que ça vous a un peu fumé la tête, hein, on dirait. Oui, ben, il est délicieux, je vous promets. Fin fumé. Quand vous êtes dans le coin, faites un petit détour chez mon ami Laurent. Bon, ben voilà, bravo Alicia, et faites-en bon usage. Meilleur que moi, j'en aurais fait usage. Hein. Dites Léon, est-ce qu'on vous retrouve vite fait avant les infos de 13h pour que vous nous disiez où vous êtes demain, là, d'accord ? Mais évidemment, fait comme ça. Ça marche, patronne. À tout à l'heure. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Equator navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun. walking underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. On est là tout l'été. Electric Light Orchestra pour terminer ma tranche. Mais vous savez qu'on est là, la tranche, c'est comme ça qu'on dit hein, dans notre jargon. C'est la tranche de Sandrine. La tranche de Sandrine, en tout cas pour l'été et pour la semaine prochaine. Alors que Fabrice va prendre le relais. Bonjour Fabrice, ça va? C'est sympa, trois semaines de congé, il pleut, je reprends, il fait beau. Bah oui, bah ça c'est comme ça. Il y a des c'est trucs, que frustration universelle. Plaignez-vous pour commencer. Ouais. Et que devrait dire Léon qui était sous la pluie fin de la semaine dernière? Ça lui fait du bien. Ouais, bah. Vache. Léo qui était à Bastogne. Bon, oui, et qui sera demain au musée Macchistory, c'est rue Saint-Marcou à Silly. Belle journée, profitez bien du soleil pour ceux qui sont en congé. Je vous embrasse oh, très fort, gentil. Sandrine. Bisous à demain, Fabrice. Vous ne nous aimez pas ou quoi? Non, mais c'est lui qui m'énerve. On s'adore. Êtes... Mais oui, on s'adore, évidemment. Vous êtes jaloux de son physique ou quoi? De tout dans sa vie. Sa femme. sa femme, ses chiens, sa bouchon mobile. Et son sac à dos pique-nique qu'il avait. Régalez-vous bien, on vous embrasse, Léon. On vous retrouvera évidemment demain. Merci, à demain, les amis. Fabrice, je vous passe le relais. Retour de vacances. Mais écoutez, ça va, vous avez bonne mine. Mais oui, 3 jours à la mer sous la pluie, ça fait bien. Mais du coup, vous avez compensé. Mais oui. Vous avez mangé des gaufres. Des gaufres, des crêpes. Vous avez fait peu croquettes. De cuistax, par contre, à mon avis. Je vous remercie beaucoup. Mais non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Non, j'ai beaucoup marché. Vous avez beaucoup marché, oui. Ça. Mais ça ne se voit pas physiquement. Vous êtes iodé, si voilà. Ça se voit. Je vous cède le micro et je vous souhaite à tous une belle journée. Bon après-midi, Sandrine. À demain. Toute la journée sur Bel RTL, la musique, c'est ça. Les Summer Deals, c'est maintenant. Jusqu'à moins 60% chez... Luma, bien dormir est tout un art. Belle RTL, 13h. RTL Info, c'est avec Florent Tondeur. Bonjour Florent. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. C'est officiel, la liste des 15 premiers magasins de Deleuze qui seront franchisés a été dévoilée par la direction. Nous rejoignons dans un instant Lucas Fu à Nivelles. Nouvel accident mortel dans l'échangeur de Marquin près de Tournai la nuit dernière. 2 semaines et demie après un autre accident tragique au même endroit. 21 féminicides depuis le début de l'année 2023 pourraient dépasser les tristes chiffres de 2022 et 2021. La direction de Deleuze dévoile donc la liste des 15 premiers magasins qui passeront sous franchise, c'est-à-dire sous gestion d'indépendants dans les prochains mois. 15 magasins, dont celui de Nivelles où vous trouvez Lucas Fu. Comment réagissent les travailleurs ? Ils prennent la nouvelle très très mal, on peut le dire. Un représentant de Deleuze est arrivé vers 10h environ pour annoncer la nouvelle et le magasin a immédiatement fermé pour protester contre cette décision. Les clients ont été priés de quitter le magasin et à l'heure où je vous parle, je me trouve devant d'imposants stores en métal. Alors les employés, pour leur part, sont restés devant leur magasin et on ressent beaucoup la colère, mais aussi du dépit et évidemment beaucoup de crainte par rapport au futur, malgré les annonces de la maison mère qui annonce des mesures pour garder les mêmes conditions de travail et les mêmes conditions salariales. Mais ici, personne n'y croit. Les employés avancent que le modèle de franchise n'est pas compatible avec leur salaire et qu'il apporterait trop d'instabilité. Ce magasin ici à Nivelles a d'ailleurs beaucoup milité. Rien que vendredi passé, il était en grève. Tout le monde espérait passer entre les mailles du filet ou du moins être repris le plus tard possible, mais le magasin fera finalement partie des premiers à être franchisé. Merci Lucas. Et parmi les autres magasins qui passeront sous franchise, il y a celui de Recogne près de Bastogne, celui de Bouffioux près de Châtelet. En région bruxelloise, 4 magasins sont concernés pour l'instant: Ancar, Moutsart, Bondal et Flaget. Les autres sont situés en Flandre. La transformation de tous ces magasins aura lieu dans les prochaines semaines. Leur réouverture courant octobre-novembre. Syndicats et directions sont réunis depuis ce matin au conseil d'entreprise pour en parler. Cette annonce se fait dans un moment plutôt particulier selon les syndicats. Marc van der Meulen est délégué syndical CETCA. Pendant les vacances de juillet, août, nous avons 50% du personnel en congé. Il y a en même du personnel et fatalement les délégués aussi de tous bords. Et évidemment aussi beaucoup de malades suite à l'annonce. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, etc. et qui n'ont pas repris de travail depuis longtemps. Donc ils savent très bien que nous sommes un petit peu coincés si ils font des annonces assez graves aujourd'hui que pour pouvoir réagir directement, comme nous faisons depuis le 7 mars. Interview de Florent Vandenberg. La direction de son côté, on l'a dit, veut rassurer. Tous les collaborateurs conservent leur emploi, leurs conditions de travail et leur salaire. Cette étape, cela dit, n'est que la première, puisqu'au total 128 magasins doivent être franchisés. Les derniers détails et développements à suivre, bien entendu, en direct et en continu sur notre site et l'application RTL Info. Si vous êtes client Proximus, vous avez peut-être eu des difficultés pour passer un appel avec votre téléphone portable en fin de matinée. C'est normal, le réseau a connu des problèmes d'instabilité. Le souci est à présent réglé, confirme l'opérateur. Encore un accident mortel cette nuit dans l'échangeur de Marquin près de Tournai. Un homme, seul en cause, a perdu la vie vers 23h. Il circulait sur la E403. Sa voiture a percuté le rail de sécurité et a terminé sa course dans les arbres. Il y a 2 semaines et demie, un autre accident mortel avait coûté la vie à 5 personnes au même endroit. Cet échangeur est-il l'un des plus dangereux du pays? Mathieu Delnest, le capitaine à la zone de secours Wallonie-Picard, est au micro RTL Info de Céline Prel. Oui, effectivement, donc on ne peut constater que cela, c'est 2 accidents, coïncidence tragique, en 3 semaines d'intervalle. Donc effectivement, on se retrouve sur un endroit accidentogène et relativement dangereux. Dans les 2 accidents, les personnes sont originaires du Tournaisis. Je pense qu'il est important de faire de la prévention, donc peut-être des campagnes au niveau local sur effectivement la dangerosité de cet échangeur, peut-être des systèmes qui forceraient les automobilistes à ralentir. Et je pense qu'il serait bon aussi de voir si des aménagements peuvent être faits pour minimiser les conséquences en cas d'accident. Un homme arrêté ce week-end à Flémalle, en province de Liège. Il est suspecté d'avoir tué son ex-compagne à la suite d'une bagarre. Il est placé sous mandat d'arrêt pour homicide volontaire. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Alexandra, 26 ans, vient rechercher ses affaires chez son ex-compagnon Ethan, 21 ans. Le jeune homme voit un message sur le téléphone d'Alexandra. Elle aurait retrouvé l'amour et la situation dégénère. Damien Lebout, le procureur de division parquet de Liège. Il commence à se disputer et puis à un moment donné, il s'empoigne, il tombe au sol et madame tombe la première avec sa tête qui percute le sol. Monsieur tombe sur elle, il explique qu'il la secoue une première fois et là madame continuerait à l'insulter, nous dit-il, avant de perdre connaissance et il se retrouve avec du sang sur les mains. Il voit qu'elle n'est plus consciente, il panique, il appelle la police. Bien donc, il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction ce samedi soir et donc il va maintenant passer en chambre du conseil concernant le maintien ou pas de sa détention préventive. Et puis alors aujourd'hui, nous aurons l'autopsie qui nous permettra de connaître les causes exactes du décès de madame. Interview RTL Info de Fanny Dehaye. Ce week-end aussi, une autre mère de famille a perdu la vie sous les coups de son compagnon. Ça s'est passé à Antoin, près de Tournai. L'année 2023 pourrait ainsi marquer un triste record, celui de l'année où il y a eu le plus de féminicides. Il y en a déjà eu 21 cette année. Il y en a eu 24 au total en 2022 et aussi en 2021. Il est 13h06, incroyable mais vrai, la restauration de la façade avant du palais de justice de Bruxelles commence aujourd'hui, côté place Poulart donc. Le projet de restauration a débuté en mars 2021 lorsque les échafaudages ont été adaptés aux normes. Et donc ça y est, le chantier débute, il va durer 2 ans, budget 31 700 000 euros. Les menuiseries extérieures seront aussi refaites, la cour d'honneur réaménagée, une nouvelle grille sera installée. Les échafaudages devraient progressivement être retirés de cette façade avant dans 1 an. Et puis c'est une première cette année, plus de 90% des trains sont arrivés à l'heure le mois dernier, c'est Infrabel qui l'annonce. Moins d'un train sur 10 avait un retard de 6 minutes ou plus sur l'axe Nord-Midi à Bruxelles. L'actuel étranger, les 1250 guides et scouts belges présents en Corée du Sud seront évacués dans les prochaines heures. La fête mondiale des scouts qui est lieu là-bas est perturbée par les conditions météo. Un typhon approche, 43 000 jeunes venus de 160 pays sont réunis là-bas. Que font ces scouts en ce moment? Écoutez Christelle Alexandre, elle est la présidente de la Fédération du scoutisme belge. Petit à petit, ils sont en train de ranger le matériel pour pouvoir remettre le matériel dans le conteneur qui va être rapatrié en Belgique. Côté des participants, ils sont en train de vivre leurs dernières activités dans le calme, la sérénité, la tranquillité et ils attendent le rapatriement vers Séoul qui est prévu à partir de 23h heure belge. Pour le moment, le plan prévu par l'Organisation mondiale du mouvement scout, par les Coréens et par le gouvernement coréen, c'est de rapatrier tout le monde vers Séoul, c'est-à-dire dans des bâtiments en dur pour les vents qui vont monter progressivement dans les heures à venir et les activités vont se poursuivre mais au sein de la capitale jusqu'à la fin du Jamboree. Interview de Chantal Monet. Les frontières aériennes du Niger fermées depuis cette nuit. Les soldats qui ont pris le pouvoir dans le pays n'ont pas rétabli le président. Conséquence, Brussels Airlines adapte le trajet de 12 de ses 17 destinations africaines. Les vols concernés seront détournés. Leur durée sera donc rallongée. L'Espagne en alerte incendie ce matin. Plusieurs provinces sont placées en alerte orange. Les températures pourront atteindre les 43 degrés. 3 incendies se sont déclarés ce week-end dans le pays. Ils sont sous contrôle. Autre feu, cette fois sur l'île italienne de Sardaigne, dans le centre-est et le sud. Là aussi, ils sont sous contrôle. Un camping, cela dit, a été évacué. RTL Sport Football pour terminer. L'Antwerp connaît son adversaire pour les barrages de la Ligue des Champions. Ça sera le vainqueur du match entre l'AEK Athènes et le Dynamo Zagreb. En cas de victoire, les Anversois rejoindront les poules de la Ligue des Champions. En cas de défaite, ils seront reversés dans les groupes de l'Europa League. Les tirages au sort des barrages de l'Europa League doivent avoir lieu en ce moment. Dans une heure, ça sera au tour des tirages pour la Conference League. Choc chez Dit. Profitez du deuxième à moins 50% sur les sérums, les masques, le maquillage bourgeois et les vernis essie à seulement 9,99€. Aussi sur Dit.be. Dit, être bien tout simplement. La météo, par tous les temps, avec notre partenaire. Allez, on passe à la météo. Fabrice, un ciel changeant pour cet après-midi. Oui, on voit le bout du tunnel tout doucement, hein, parce que là, on en avait marre d'être arrosé. On ne parlera plus de pluie, mais de possibilité de quelques averses. Hein. On ne fait pas Rome en un jour, comme on dit. 15 à 20 degrés pour aujourd'hui. Demain, c'est le même type de temps au matin, assez nuageux. Quelques averses localisées et puis le retour d'un temps sec. Le vrai beau temps s'installe à partir de jeudi, avec un thermomètre et un mercure qui vont aller reprendre des valeurs de saison au-dessus des 25 degrés pour le prochain week-end. Donc vous revenez de vacances et vous venez avec de bonnes nouvelles. C'est parfait, ça. C'est magnifique. 13h09. On vous retrouve jusqu'à 15h30. On est là tout l'été. Bon après-midi, Florent. Bon après-midi. À bientôt. On est là tout l'été. Fabrice Collignon. We parted. rythme parfait de Simply Red pour me permettre de vous souhaiter une belle après-midi. On est là tout l'été, vous êtes là avec nous, on partage le boulot, on partage les vacances et puis la musique que vous aimez. Something Got Me Started. D'ici quelques minutes, Eric Boschmann pour les petits secrets d'interview, un peu cocasse par moment. Et puis j'étais vous rechercher car elle n'a pas oublié de me laisser ma boîte à vinyle, ma boîte à chaussures. Vanessa Matagne, que j'embrasse, qui était à vos côtés pendant quelques semaines, elle m'a laissé les souvenirs que je vous propose. Ce sera un petit peu avant 14h tout à l'heure. Ça risque de gratter un petit peu puisque nous repartirons fin de l'année 1971. Belle RTL, Belle RTL et RTL TV présentent Curios du Cirque du Soleil. Après 6 ans d'absence, le Cirque du Soleil est de retour sous le grand chapiteau. Entrez dans un monde de curiosité, d'excitation et d'acrobaties palpitantes. Un spectacle à couper le souffle. Un univers fascinant. Curios, le cabinet des curiosités. Jusqu'au 27 août à Knokke-East, sous le grand chapiteau. Ticket via cirquedusoleil.com/curios. Deleuze présente départ immédiat avec nos promos du monde. Parce qu'avec notre houmous en promo, vous vous retrouvez directement au... Konnichiwa. Ah non, c'est l'Orient ça. Salam alaikum. Voilà, le Moyen-Orient. Découvrez nos promos du monde. Comme notre houmous, maintenant un ravier plus un gratuit dans votre Deleuze. Du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. Bel RT. Qu'un phénomène, c'est un petit diamant. Clara Luciani sur Bel RTL avec tout le monde sauf toi. Les secrets d'interviews, des rencontres parfois attendues, parfois plus inattendues. Écoutez celle d'Eric Boschmann. Secret d'interview. J'ai quand même beaucoup de chance, j'ai croisé pas mal de gens dans ma carrière et il n'y a pas longtemps j'ai un coup de fil en fait. On me dit voilà, est-ce que tu serais libre pour un lunch comme chez soi? Ouais. Avec Laetitia Hallyday, vous êtes pas trompé, parce que moi, si tu veux, c'est pas tellement ciné télé-revue, ma vie, quoi, donc c'est un truc... Oui, non, parce qu'elle a plein de trucs à raconter, etc. Et je viens de créer un podcast, Et dans mon podcast, mon idée, c'est de rencontrer des gens qui ont des vies, des itinéraires, etc. J'écoute, moi, ça m'intéresse, mais je peux pas en faire grand-chose, si ce n'est la podcaster. Et les gens qui organisent le dîner me disent, mais c'est parfait. Et voilà que je me retrouve à une table où on est une dizaine, pas plus, dans la cuisine du Comme Chez Soi, donc déjà, oh, ça fait plaisir, avec Laetitia Hallyday, qui a pas l'air a priori d'être une grosse mangeuse, tu vois, parce qu'elle a ses bras, mes cuisses sont plus grandes que ses bras, enfin, tu vois ce que je veux dire, elle est toute mince. Et puis on s'en va dans un petit salon et on discute. Et j'ai ri, cette femme est extrêmement drôle. En fait, une fois qu'elle sort de son rôle de Laetitia Hallyday, la femme de Johnny, une fois qu'on sort de là, on découvre quelqu'un qui est fraîche, vive, drôle, spontanée. Alors évidemment, il y a tout de suite quelqu'un qui est venu voir pour voir si elle parlait bien et tout. Donc j'ai eu une fenêtre de tir comme ça de 10 minutes extraordinaire. Et j'ai rencontré quelqu'un de vraiment charmant. Je me suis amusé comme un fou et j'en garde un souvenir vraiment magnifique. Petit rayon de soleil venu tout droit du sud de l'Italie pour vous cet après-midi. Mattia Bazar, c'était Solo Tu. Le jeu de l'été, oui, je vais vous appeler tout à l'heure dans une bonne heure et demie, donc pas de GSM au volant, mais prenez votre téléphone portable si vous en avez l'occasion et vous envoyez été par SMS au 66 70. Ça tombe bien, avec le retour du soleil, vous allez pouvoir gagner votre journée en famille pour 4 personnes à Adventure Vallée d'Urbouy en totale connexion avec la nature et puis remporter

terre entière en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, l'amour qu'elle inonde. De toute sa patience, vous remet debout. Trouvez en soi un avenir peut-être, mais surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un homme, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dans le regard vous touche, porte jusqu'à sa bouche le front. Chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde. J'ai envie de dire Florent Pagny, évidemment, mais avec Christophe Maé pour la reprise de Un jour une femme. Les Summer Deals, c'est maintenant jusqu'à moins 60% chez Pluma. Viens dormir. Toutes les musiques de l'été, c'est sur Bel RTL. Oui, et votre bonus track de l'été est signé Éric Jean-Jean, qui va revenir l'espace d'un instant sur une des plus grandes chansons de Queen, Bohemian Rhapsody. Vous avez peut-être vu le film, vous savez alors ce qu'elle raconte un petit peu, mais si pas, eh bien, elle raconte quoi cette chanson? On le sait maintenant. Bonus track de l'été, Éric Jean-Jean sur RTL. Alors voilà. Maintenant, c'est le moment où on va d'abord écouter une très grande chanson, mais surtout, on va essayer de comprendre ce qu'elle raconte. Et c'est quasiment injouable. Pourquoi ? Bah parce que Freddie Mercury ne s'est jamais exprimé sur Bohemian Rhapsody, qui est la chanson qu'on va écouter maintenant sur RTL. Elle est tirée du quatrième album de Queen, A Night at the Opera. Alors, il y a des milliards d'histoires autour de cette chanson. D'ailleurs, si vous avez vu le film qui porte le nom de cette chanson, vous en connaissez pas mal. Mais à la question de quoi parle cette chanson ? Parce que à un moment, si je vous traduis les paroles, il dit « Maman, je viens de tuer un homme, j'ai mis un pistolet contre sa tête, j'ai appuyé sur la détente, maintenant il est mort. Maman, la vie venait de commencer, mais maintenant je suis allé tout foutre en l'air. Maman, je voulais pas te faire pleurer. Je suis pas de retour demain. Si je suis pas de retour à cette heure-ci demain, continue comme si rien n'importait vraiment. Un petit peu plus tard, c'est trop tard, mon heure est venue, des frissons parcourent mon dos. Encore un petit peu plus tard, je veux pas mourir. Parfois, je voudrais ne jamais être né du tout. » Alors qu'est-ce qu'il raconte ? Bah, il y a plusieurs hypothèses. Un traumatisme vécu par Freddy quand il vivait à Zanzibar. Ou alors, peut-être un une explication de texte d'un best-of publié en Iran, un jeune homme qui, c'est un livre, hein, qui a tué accidentellement un homme et pour se sauver, il vend son âme au diable. Ouais, mais vraisemblablement, la vraie explication, c'est que Freddy tue définitivement l'hétérosexuel qui était en lui et fait une forme de coming out en chanson. Il l'a jamais dit, mais son dernier compagnon l'aurait glissé entre les lignes lors de sa dernière biographie. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, cette chanson est un chef-d'œuvre, 5 parties, et c'est quasiment un vrai opéra en 5 minutes qu'on va écouter en intégralité maintenant sur RTL, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? jusqu'au bout, on vous l'a promis. Voilà le Bohemian Rhapsody de Queen. C'était Eric Jean-Jean et son bonus track. Dans quelques minutes, changement d'ambiance, mais les années 70 et le début des années 70, ça va gratter avec le vinyle de cet après-midi. On est là tout l'été. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Votre été 2005, non, cherchez pas, c'était 2005, Suavemente, Ritmo Bros sur Bel RTL. Bel été, on est là avec vous, 15h30, évidemment, l'été des grosses têtes. Votre été en musique, c'est sur Bel RTL. Avec Lidl, on mange une salade de mangue bien fraîche. Avec plein de crème fraîche. Ah oui, car jusqu'à mardi inclus, 25% de réduction à l'achat de 2 mangues et même 50% à l'achat de 4 mangues. Lidl, pour tout ce qui compte. Profitez du plaisir aquatique illimité cet été à Plopsaqua Nulanden. Ou faites un plongeon à Plopsaqua de Panne. Vivez l'expérience à l'intérieur dans Plopsa Station Antwerp. Ou partez à l'aventure à Plopsa Indora Celt. Billets via plopsa.be. L'été, c'est deux fois plus fun en train. Mais pourquoi c'est deux fois plus fun? En été, il y a plein de façons de voyager à deux. Mais c'est pas toujours super. On peut prendre la voiture. À gauche. Mais non, c'est à droite. Voyager en tandem. C'est moi ou tu pédales pas du tout derrière? En trottinette à deux. Ah non, on me dit que c'est interdit. En planche à voile à deux. C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. Et puis, il y a le train, qui est deux fois plus fun, vu qu'avec le duo ticket, on voyage à deux pour le prix d'un standard ticket. Plus d'infos sur sncb.be. SNCB, en route vers mieux. Mmh. Redonnier, France Gall. Si, maman, si, j'ai envie de dire, eh bien, chantez maintenant, c'est le petit moment qui gratte. Un titre sorti fin de l'année 1971, une chanson dédiée à Sheila, avec qui il se mariera en février 1973. Oui, c'est Ringo que vous allez écouter maintenant. Ça gratte, hein, je vous garantis pas un son pur nur, hein, comme on dit. Hein. 1971, elle, je ne veux qu'elle, Ringo. 1, 2, 3, oh. Le vinyle de Fabrice. Les souvenirs ont bloqué ma porte, mais de ma peine il faut que je sorte pour oublier cette fille qui m'a meurtri. Je dois reprendre enfin goût à la vie, mais les rues sont pleines de gens qui s'agitent, et devant les vitrines, les bars, les affiches, je crois apercevoir partout son visage. Tout me la rappelle, rien ne la remplace. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, non d'aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai. J'ai cherché l'oubli, une autre allant entra dans ma vie, intelligente aussi, peut-être plus jolie. J'ai cru l'aimer, être enfin guéri, mais la plus belle n'est pas toujours la meilleure, et mon nouvel espoir n'était qu'une erreur, car à travers ses gestes, à travers son corps, je cherchais toujours celle que j'aime encore. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, non d'aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai et je dois la retrouver. Elle, je ne veux qu'elle, pour qu'un jour enfin la vie nous rassemble. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai. En tout compte fait, la pochette est plus abîmée que le vinyle lui-même, ça grattait pas trop. Et pourtant, c'est du 45 tours, c'est sorti donc fin 1971, Ringo, avec Elle, je ne veux qu'elle. Lundi midi, toujours au lit, I don't care, je m'en moque. Je compte plus mes verres, je compte plus mes clopes, I don't care, je m'en moque. On a rendez-vous, mais j'ai pas un sou, I don't care, je m'en moque. On prendra l'air à découvert, I don't care, je m'en moque. Quoi ma génétique, oui j'ai des tocs, and I don't give a fuck. Je me mets la tête à l'envers, je fais mon yoga par terre. We don't care, on s'en moque. On a la vie qu'on a choisie, and we don't give a fuck. Si t'es fou, moi je m'en fous, I don't care, I don't care. Mais si tu te fous, je me perds. Si t'es fou, moi je m'en fous. C'est l'été sur Bel RTL. So the last time I saw you, you were heading out the door. That's when thinking about you came and hit me like the cold. Now my heart is confused, but my body speaks the truth. It's as simple as this. I need you, I need you, I need you, I need you. Oh baby, I'm going crazy when I'm without you. Crazy, I can't take it. That's what you do. Just too strong. And this feeling's got no mercy. How am I supposed to carry on with you? Céline Dion, c'est le millésime 2023, bien sûr, pour ce titre « Rating on you ». Vous êtes quelques-uns à m'envoyer des messages au 3323, je les lis et je prends note. Hein. Vous me donnez des petites idées pour le petit moment qui gratte en vinyle. Alors, j'ai pas tout évidemment, mais je peux quand même faire des petites fouilles pour vous. Ce sera tous les jours encore de l'été, donc pendant 3 semaines, sur le coup de 13h45 par là. Bon, le jeu de l'été, c'est dans 45 minutes, 3e et dernière tentative aujourd'hui. Vous gagnez ou vous ne gagnez pas, peu importe, votre nom part directement dans notre frigo box Bel RTL pour fin de saison vous offrir vos vacances à l'île Maurice. Là, vous voyez, quand tout le monde va parler rentrée, vous allez repartir sous le bras avec un voyage pour 4 à l'île Maurice. Et dans un premier temps, pourquoi pas gagner votre journée en famille pour 4 personnes à Adventure Valley d'Urbouy en totale connexion avec la nature. Vous avez le combi pass, donc Adventure Valley et le labyrinthe de d'Urbouy dans la même journée. Voilà donc, avec le soleil qui revient, peut-être une bonne idée de sortie. Vous envoyez été par SMS au 6670. Je vous poserai une question chiffrée sur l'Égypte, je crois. Voilà, donc une chance sur deux, plus ou moins. Et si vous savez, bah, vous savez. Donc vous n'hésitez pas, été 6670. On joue ensemble vers 14h40 tout à l'heure. Maybe I love you less and less because of what you've done to me. Maybe I love you less and less of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less. ma douce, l'enfer et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en nos troubles. Je deviens sauvage, mon torse décharne, pour que Paris s'enflamme. Décalé et l'homme est charmant. Julien Doré sur Bel RTL, Chou Wasabi. Merci de passer l'après-midi avec nous. Il est pile 14h. RTL Info avec Olivier Sconbrode. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. La liste des 15 premiers magasins Deleuze bientôt franchisés a été communiquée aujourd'hui. Parmi ces 15 points de vente, celui de Nivelles, dès l'annonce faite en conseil d'entreprise tout à l'heure. Le personnel a fait sortir la clientèle et a baissé les volets. Les 9000 employés de Deleuze à l'échelle belge ne croient pas la direction qui annonce qu'il n'y aura ni perte de salaire ni dégradation des conditions de travail. Selon certaines sources, les franchisés et les candidats repreneurs ont déjà précisé qu'ils ne pourront pas maintenir la masse salariale des magasins intégrés. À taille équivalente, un AD Deleuze emploie 30% de personnel en moins qu'un Deleuze intégré. Encore un drame de la route à l'échangeur de Marquin, près de Tournai. Une personne a perdu la vie, 3 semaines à peine, après un précédent accident qui avait coûté la vie à une famille de 5 personnes. La cellule provinciale de sécurité routière va se réunir prochainement pour envisager des adaptations dans cet échangeur. Le féminicide a flémal ce week-end. Le parquet de Liège nous en dit plus ce matin. L'ex-compagnon dit avoir agi sous le coup de la colère, parlant d'un échange de coups et d'une chute accidentelle, même s'il reconnaît avoir secoué son ex-compagne. Un autre féminicide a eu lieu ce week-end à Antoin, dans le Hainaut. 21 féminicides ont déjà été enregistrés cette année en Belgique. 2 hommes retrouvés morts dans un gîte de l'Isère, au sud-est de Lyon. Leur identité n'a pas été confirmée, mais il pourrait s'agir de 2 individus de nationalité turque. Ils ont été exécutés par balle. La piste du règlement de compte est privilégiée par les enquêteurs. En Sardaigne, des centaines de personnes ont été évacuées de leur maison ou de leur lieu de vacances à cause de plusieurs feux de forêt. Un camping entier, par exemple, a dû être évacué. Selon les pompiers, la situation est à présent sous contrôle. En Slovénie, le bilan des intempéries s'alourdit. On dénombre à présent 6 morts. Il y a encore de gros risques de glissement de terrain en raison des sols détrempés. Le Jamboree en Corée du Sud a tourné court. La grande fête mondiale des scouts avait déjà été entachée par des problèmes d'organisation et par la canicule. Des milliers de participants avaient déjà déserté les lieux. Cette fois, l'événement se termine définitivement et plutôt que prévu. En cause, une alerte au typhon. Au départ, 43 000 jeunes y participaient, dont 1250 scouts belges. Sport football, les barrages de la Ligue des Champions. L'Antwerp jouera contre l'AEK Athènes ou le Dynamo Zagreb en match aller-retour avant d'accéder peut-être à la phase de poule. En cas d'élimination, le matricule 1 sera reversé dans les groupes de l'Europa League. L'Europa League, justement, le tirage au sort pour les barrages a eu lieu il y a une petite heure. L'Union Saint-Gilloise hérite de Lugano. Quant à Genk, il devra d'abord éliminer l'Olympiakos au troisième tour préliminaire avant de rencontrer les Serbes de Kukariki. Et puis le tirage de la Conference League, lui, avec le club de Bruges et la Gantoise, a lieu en ce moment. RTL Mobilité, attention à cet animal sur le 42, c'est le 42, je dis bien, Liège-Namur, à hauteur de Chapelle-lès-Raymond, dans les deux sens de circulation. Vous vous doutez bien, le chien ne reste pas immobile. La situation est dangereuse. Et puis, autre situation dangereuse, c'est sur le ring de Mons, le R5, un objet encombrant à hauteur de QM. Et quand on parle d'un objet encombrant, il s'agit de briques sur la chaussée. Soyez donc extrêmement prudents. R5, le ring de Mons, à hauteur de QM, en direction de Askilly. RTL Mobilité. Belle RTL vous guide en toute sécurité. Allez, il est frais comme un gardon, il revient de vacances, il est frais et dispo. Oui. C'est Fabrice Collignon, pleine forme, content de revenir. Nous dit l'homme qui partira en vacances fin de semaine, oui, n'est-ce pas? Oui, mais bon, ça, voilà, chacun son tour, quoi. Hein. Les Serbes de Kukariki, c'est joli, Kukariki. Oui, je sais pas, je vous avoue que Ricky, je sais pas. Ricky, je sais pas. Ouais. Il a marché le mardi après-midi, en tout cas. J'en sais rien du tout. Bon après-midi, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Choc chez Dee. Profitez du deuxième à moins 50% sur les sérums, les masques, le maquillage bourgeois et les vernis Essie à seulement 9,99€. Aussi sur Dee.be. Dee, être bien tout simplement. On est là tout l'été. Fabrice Collignon. Je sens des boum et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire que ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. En compagnie de Dany Etienne Dao, qui a choisi Bel RTL pour l'accompagner lors de son concert du 2 décembre prochain à Forêt Nationale. C'était comme un boomerang. Et dans un instant, 60 ans de carrière pour Salvatore Adamo. Ça se fête pendant tout l'été sur Bel RTL. On est là tout l'été. Bonjour, moi c'est Fanny, je travaille au Colruyt de Mützarth-Vilvoorde. On se trouve dans l'espace fraîcheur. Alors pourquoi c'est un grand frigo et pas des petits frigos? Parce que on économise de l'énergie par rapport à ça. Du coup, ça coûte moins cher et ça se répercute sur le ticket de caisse du client. Nos coûts les plus bas, vos meilleurs prix. Colruyt, meilleur prix. Bel RTL et RTL TVI présentent Johnny Hallyday, l'exposition. Un hommage à l'idole des jeunes et à sa vie hors du commun. Ses costumes de scène, ses guitares mythiques, ainsi que des témoignages et des anecdotes méconnues dans une ambiance exceptionnelle. L'exposition événement à ne pas manquer à Brussels Expo. Avec Tempora et Sudinfo. Solidaris et Bel RTL présentent un dimanche exceptionnel aux solidarités le 27 août à Namur avec Stéphane Echer. Et un concert unique de Louise Attaque. Je voudrais que tu te ramènes devant. Mais aussi Tamino, Adé, Émilie Simon et bien d'autres. Avec PEV, Multipharma et Parentia. Belle RTL. On est là tout l'été. Sur Bel RTL avec Tatou, et c'est sur Bel RTL que Salvatore Adamo a choisi de fêter 60 ans de carrière. Alors il s'en est passé des choses évidemment en 60 ans, des choses agréables, des choses attendues, des choses inattendues, comme ses cours de piano. Salvatore Adamo est avec Serge Ankers sur Bel RTL. C'est ma vie avec Adamo sur Bel RTL. Alors Salvatore, on est à la fin des années 60, en 1968, tu es à Los Angeles pour prendre des cours de piano. C'était pas le but. Ah non, c'était pas le but. Au départ. En fait, j'avais besoin, c'est paradoxal, mais j'avais besoin d'anonymat. J'avais besoin de me promener dans les rues toujours en toute modestie, mais je le dirai plus en toute modestie, sans qu'on me reconnaisse. Bien que il y a quand même quelques Québécois à Los Angeles qui m'avaient reconnu. Et c'est vrai qu'en promenant sur Sunset Boulevard, je vois une enseigne, ouais. Sherman School of Music. Je dis, tiens, je vais voir. Si, comme je savais que j'allais rester 2 mois, si je peux prendre quelques sons de piano. Et donc, on me présente à un professeur, un black, Lou Adler, je me souviens bien de son nom. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis journaliste, mais j'aime bien chanter. Ah bon, et qu'est-ce que vous aimez chanter? Bah, par exemple, Yesterday, des Beatles. Ouais, let me hear. Il se met au piano et je chante. Et il me dit, hey man, you've got soul, you should sing. Et 2 mois plus tard, je lui ai envoyé les 2 albums que j'avais déjà enregistrés et il m'a écrit « You've got me ». Tu m'as eu, quoi. Je m'appelle l'eau, Lita, l'eau de philo, les amours diluviennes. a 23 ans, la toute jeune Alizée chantait « Moi, Lolita ». Et dans quelques minutes, notre troisième tentative du jour pour le jeu de l'été. Votre journée en famille, 4 personnes à l'Adventure Vallée d'Urbouy. Et puis, comme c'est un combi-pass, vous avez accès à l'Adventure Vallée et le labyrinthe de d'Urbouy, hein, qui se trouve vraiment juste en face de l'Adventure Vallée. Ça va vous permettre de passer une belle journée. Soit le matin, vous faites le labyrinthe, les activités du parc l'après-midi ou l'inverse. La plus grande tyrolienne du Benelux, un grand parc accrobranche, des toboggans, une zone pour les plus petits, des activités conçues pour eux avec le retour du beau temps. Partez aussi dans le labyrinthe à la recherche de l'œuf de Skyny le dinosaure. Et puis il y a un resto aussi, le Dino Risto, où vous allez manger à côté des dinosaures. Ça c'est dans un premier temps, c'est le premier cadeau que vous gagnez avec une question chiffrée où je vous demande de me dire plus ou moins. Et que vous ayez la bonne ou la mauvaise réponse, votre nom file dans le frigo box et fin de l'été peut-être, et ça je vous le souhaite de tout cœur, un voyage pour 4 personnes direction l'île Maurice. Il est grand temps si vous voulez jouer aujourd'hui parce que vous avez un petit peu plus de temps que demain, hein. Sinon on sera là demain aussi, mais là maintenant vous envoyez été par SMS au